Chapitre 14. Du nouvel aspect de notre situation, Jean usurpateur, vaincre ou mourir, projet de minière Abraham, forfait des Élie, révélations inattendues de Jean et sa conduite à droite avec Mademoiselle Sidonie. Ah, certes, je la regrettais, l'Amérique, et je comprenais les chagrins de Christophe Colomb. Si nous avions été seulement jusqu'aux îles du Cap-Vert, je me serais contenté de la moindre des choses, du Portugal ou même de Bordeaux. Londres m'aurait enchanté, le Havre m'eût suffi, mais rien, nous n'avions pas été jusqu'à Jersey. Nous avions couru des bordées de misère sur les anciennes propriétés de Petit Guernes, ensevelies au fond de la mer, et sur les champs d'huîtres que la gourmandise humaine est en train de stériliser à la bouche de la baie de Cancale. 5 jours, au lieu de cet espace de temps énorme et si rempli d'événements dramatiques que j'évaluais naguère à 2 mois, au bas mot, pour faire preuve de modération, mais qui me semblait long comme plusieurs années. Il n'y avait de réel que les rats et la tempête, plus dangereuse, il est vrai, qu'en haute mer, dans ces eaux de Saint-Malo, célèbres par tant de naufrages. Mais qui donc nous tiendrait compte de ce surcroît de péril affronté journellement par les barques du petit cabotage et même par les bateaux pêcheurs? Mon premier voyage au long cours avait rôdé dans un cercle dont tous les points étaient en vue de la promenade des petits murs. Avec leurs lorgnettes marines, les invalides du port pouvaient nous regarder au moment même où Jean et moi nous discutions la question de savoir si la noire falaise du Cap Fréhel appartenait aux côtes d'Afrique ou aux rivages des Antilles. Je ne puis dire à quel point j'étais meurtri de cette chute morale. Et, chose singulière, ce Jean semblait triompher de mon abattement comme si toutes les responsabilités de ce dénouement ridicule qui noyait dans un crachat nos terreurs et nos espoirs n'appartenaient qu'à moi seul. C'était pourtant lui, souvenez-vous-en, qui avait troublé, le premier, la notion exacte que j'avais du temps lorsque la fièvre l'avait pris dans le trou aux pommes de terre. C'était lui aussi dont la poltronnerie avait transformé Mignor Klotz en cannibale. Lui, encore lui qui avait trouvé dans l'apparition du phare une preuve de notre passage à travers l'Atlantique. Lui, toujours lui, qui avait expliqué les différentes phases du combat naval, du bombardement et l'échouage de la gabarre, lancée par une lame à l'intérieur d'un récif de corail. Eh bien, le coquin me regardait en vainqueur avec une compassion méprisante et ses yeux méchants semblaient me dire « Corentin, mon pauvre Corentin, as-tu assez bien entassé bévue sur bévue pendant ces 5 jours? Est-il possible de trouver au monde un dindon plus dindon que toi? Moi, au moins, on ne m'en passe pas. J'ai vu tout de suite le fin des choses et je remercie la Providence de la supériorité qu'elle m'a donnée sur toi. » Le matin, c'était son seul talent, mais il est sûr qu'il savait toujours s'installer en plein dans le beau rôle. Je jurais bien en moi-même qu'à mon prochain voyage, je ne le prendrais pas avec moi. J'avais assez de lui décidément, et si j'en avais cru mon indignation, je lui aurais administré une exemplaire volée. Mais ce n'était guère le moment de monter sur mes grands chevaux, et il est des circonstances où il faut savoir dissimuler. Je devinais d'instinct que le drôle ne m'avait pas dit tout ce qu'il savait. Grâce à Dieu, ma perspicacité ne m'abandonne jamais. Je n'avais pas revu Jean depuis l'entrée des Hollandais, batifolant avec les sauvages. Il avait dû se glisser ici et là comme une couleuvre qu'il était, écouté, espionné. Bien sûr qu'il avait découvert quelques poteaux roses. « Cousin piteux, lui dis-je avec un grand calme et en gardant toute ma dignité, nous nous sommes trompés tous les deux, et il est certain que la faute en est à moi, surtout, puisque je suis le chef naturel et légitime de notre association. » « De quoi ? » s'écria-t-il. « Le chef, joli chef, le chef de ta soupe quand tu l'as dans le ventre. Pour être le chef, il faut y voir pour trouver l'endroit où mettre le pied. Sais-tu seulement qu'ici où nous sommes, entre Saint-Malo et Saint-Servan, la quille dans la vase est entourée de bon monde, où il y a de vrais marins, des douaniers et même des gendarmes. Nous risquons notre peau aussi bien et mieux qu'au plus mauvais de la tempête. » À mon tour, je l'interrompis, et sans me fâcher encore, je lui dis « Ça ne prend pas de cette foi, mon gars. Tu m'as conté assez de bourdes pendant la traversée pour venir me dire ensuite que c'est moi qui ai eu toutes tes propres lubies. Si nos beaux rêves sont évanouis avec l'espoir de placer avantageusement la pacotille, du moins sommes-nous à l'abri de tout péril sérieux au sein de notre pays natal. » « Appelle donc alors ton pays natal, » s'écria-t-il, « autruche des autruches, pour voir s'il viendra à ton secours. Tu connais bien le nom du bandit qui veut s'approprier le genièvre et le riz, c'est Langourdaine, mais il faut être deux pour faire l'affaire, le voleur qui vend et le voleur qui achète. Sais-tu quel est cet autre voleur ?» Je fus frappé comme d'un trait de lumière. J'ai cru entendre, commençai-je. « Tu as très bien entendu. Ils ont parlé de veuve Élie en partant, parce qu'elle venait juste d'arriver en haut sur le pont et qu'ils allaient la rejoindre pour la régaler. « Eh bien, dès qu'elle saura que nous sommes ici, commençai-je. » Son regard devint si tranchant que j'eus la parole coupée. « Certes, repris-je, c'est une très méchante vieille. »« Je ne dis pas cela, » interrompit Jean. « Elle est dans le commerce, voilà tout. Enfin, tu l'appelais voleuse tout à l'heure. » « Voleuse, voleuse, certainement, par rapport aux armateurs. Mais le commerce est le commerce. Elle n'emportera pas le riz et le genièvre sans payer quelque chose à quelqu'un. Toi, tu n'as jamais rien compris aux affaires. » « Enfin, n'importe, si veuve Élie est en haut. » « Elle y est, avec patron François, Fifi Jacquet et Élie Neveu. » « Raison de plus pour que nous n'ayons rien à craindre. Ça peut être des grippe-sous, des fausseurs de poids. » Des mêli-mêleurs, des micmaqueurs, des fraudeurs et même des voleurs. Mais tu ne les prends peut-être pas pour des assassins, capables de nous égorger tout vif. » Jean ne répondit pas tout de suite. J'avoue que sa figure commençait à m'inquiéter vivement. « J'ai caché les deux haches du tonnelier et sa doloire, » dit-il enfin. « On vendra sa vie le plus cher qu'on pourra. » Puis, m'imposant silence d'un geste péremptoire qui mit le comble à mon anxiété, il ajouta « As-tu compté les fûts? Le genièvre est très bon. » « Ça, c'est vrai. Il y a 20 tonnes de 5 barriques l'une dans l'autre, ce qui fait juste 100 barriques. Maman Quimper payait son squidam 3 francs le cruchon, quitte des droits de douane, puisqu'il était fraudé. Il y a aux environs de 300 cruchons dans chaque barrique. Sais-tu ce que font 300 fois 3? 900 parbleu. Et 100 fois 900? 90 000. Tu n'es pas si bête tout à fait que je le croyais. Ça fait donc 90 000 francs de squidam. Pour ne pas nous tromper, baissons la chose de moitié à 50 000 francs. C'est déjà 5 000 que les Élie gagneraient sur leur marché de 10 000 francs, rien que sur le genièvre. Et il y a le riz. Nom de bleu, dis-je. Quelle occasion! C'est vrai, il y a le riz. Et dans la grande conversation, poursuivit Jean, que j'ai entendue entre l'ours et Langourdaine, il disait que le riz valait une fois autant que le genièvre. Tu as donc entendu une grande conversation? Plus d'une. Je n'ai pas l'habitude de garder, comme toi, mes oreilles ni mes yeux dans ma poche sous mon mouchoir. Ah! M'écriai-je à ce mot mouchoir. Celui de Sidonie sentait l'eau de Cologne. J'aurais bien dû me douter de quelque chose. « Qui appelles-tu Sidonie ?»« La boulotte au coquillage, » répondis-je. « Et si nous voulions faire avertir le procureur du roi ou la maréchaussée, tu sais que... »« Oui, oui, » répartit Jean. « Je sais. Moulin à café. » Jusqu'alors, faites attention à cela, toutes nos histoires de grand péril avaient tourné en eau de boudin. Il paraît que je comptais un peu là-dessus et que je n'étais pas encore bien convaincu du mortel danger que nous courions, car cette allusion, faite sans ménagement à la plus amère blessure dont mon orgueil eût saigné au temps de ma petite jeunesse, me transporta de colère. « Tu es, dis-je à Jean, le plus enragé de mes ennemis, et je ne suis pas à m'en apercevoir. La jalousie qui te dévore te poussera quelque jour jusqu'au crime au vis-à-vis de moi. Il faut que tu aies perdu toute bonne foi et même tout bon sens pour nier la supériorité de mes avantages extérieurs. « Là, là !» fit-il. « Ne t'enlève pas comme une soupe au lait. Nous avons autre chose à faire. Je serais bien méchant, c'est la vérité, si je te marchandais la passable mine que la Providence t'a donnée en te refusant tout le reste. Seulement, à l'heure qu'il est, ta bonne mine ne serait pas beaucoup remarquée. Regarde un peu voir où elle a coulé ta bonne mine. » Le fanal de poupe apporté par le coq était encore auprès de l'entrée pour le cas, sans doute, où les convives auraient besoin de remplir les cruches avant la fin du festin. En prononçant ces derniers mots, Jean fouilla avec énergie les profondeurs de sa poche et en retira un petit morceau du tesson de miroir qui servait jadis à la toilette de l'infortuné Mignaras. Il me l'offrit et je me regardai. Je ne me reconnus pas. Combien les philosophes ont raison de compter pour peu de choses les charmes du visage. Qu'est-ce donc que la beauté si les misères de 5 jours, passées à fond de cale, peuvent la réduire au triste état où je voyais la mienne? Le plus noir des ramoneurs aurait paru propre auprès de moi. Le poussier de charbon avait fait de ma figure un vrai masque de moricaud, et il y avait dans mes cheveux brouillés en tignasses au moins une demi-livre de fumier. Quant à mes habits, je n'en ébaucherai pas même la description. Il faisait honte de pitié. Mes yeux allaient du miroir à Jean pour trouver au moins une consolation dans le misérable aspect de ses souillures. Mais le coquin n'était pas malpropre du tout. Il avait sa veste brossée, ou à peu près, ses cheveux plats tombaient à la manière ordinaire et ses joues étaient nettes. Seulement, sa frimousse toute blême d'habitude... « Vous avez une belle teinte rubiconde comme si on l'eût frottée à l'eau bouillante. »« Je t'en prie, m'écriai-je, dis-moi comment tu t'es nettoyée. »« Moi, me répondit-il, je trouve toujours du temps pour tout et les moyens. Je ne serai jamais embarrassée en ma vie, mais maintenant nous sommes trop pressés. Et d'ailleurs, si c'est pour demander un service à mademoiselle Sidonie, pas la peine de te déranger, la chose est faite. » J'ai su l'intéresser en notre faveur. Vous ne sauriez imaginer à quel point il était insupportable quand il triomphait. Dans le silence qui suivit cette déclaration, je cherchais à retrouver au dehors les 1000 bruits qui nous environnaient naguère. Mais à part un grand murmure continu, on n'entendait plus rien. La gabarre était à flot de nouveau et se balançait indolemment. À présent que je savais où nous étions, le fait n'avait rien pour moi que de naturel. La marée nous avait soulevés. Jean me dit en changeant de ton. « Laissons là les fariboles. »« As-tu idée que notre sort est en train de se décider là-haut ? » ?»« Non, c'est sûr, puisque tu n'as jamais idée de rien. »« Eh bien, tâche de comprendre. Je vas résumer les choses. Les Élis sont ici parce qu'ils ont levé une affaire qui promet un bénéfice honnête de 60 à 80 000 francs. « Honnête !» répétai-je. « Tu es aussi gredin qu'eux. »« Ne discutons pas cela, » me répondit-il. « C'est le commerce. Nies-tu le boni ? Et connais-tu quelque chose au monde qui puisse arrêter les Élis sur le chemin d'un boni de 80 000 francs ? Non, pas vrai ? Eh bien alors pour nous, la question est tout uniment de savoir s'ils auront, oui ou non, avis de notre présence à bord. Dans le premier cas, je ne donnerai pas 10 sous de notre peau, par la raison toute simple que notre présence à bord jettera 2 témoins dans leur roue, et n'en faut pas dans ces affaires-là. Je ne cache pas que je fus frappé. Pourtant, je voulus revenir à mes arguments, tirés de la différence qu'il existe entre des Arabes de comptoir et des assassins pour tout de bon. Mais Jean m'interrompit. « Je ne te dis pas, reprit-il, qu'on nous tuera à coups de couteau ou qu'on nous déchargera des pistolets dans les tempes. C'est trop dangereux, cette manière-là. Mais il y en a d'autres. Soit qu'on nous emmène d'ici jusqu'à la côte d'ébène du Congo, cadenassés dans la cale, soit qu'on oublie pendant un peu plus de temps qu'il ne faut de nous descendre la soupe. Ce qui est clair comme le jour, c'est que les Élis sont des gens avisés, prudents, à la tête d'une maison sur laquelle il n'y a pas le plus petit mot à dire. S'ils font l'affaire, ils ne sont pas assez simples pour laisser derrière eux deux pierrots comme nous qui pourraient les dénoncer, hein ? Et d'un autre côté, comment veux-tu qu'ils ne fassent pas l'affaire, puisqu'elle est à 800% de bénéfice au bas mot avec le riz ? Soyons justes, ça ne serait pas raisonnable de leur part. Eh bien, moi, m'écriai-je, je te dis que Mynheer Klotz ne nous laisserait pas égorger comme cela, ni Peters non plus, ni même Cornille. Qui te parle de cela ? Interrompit Jean froidement. Mais au fait, tu n'as pas seulement idée de notre situation, et j'aurais plutôt fini de tout te dire. Nous n'avons rien à craindre des Hollandais, des vrais. Le coup est monté contre les Hollandais, aussi bien que contre nous. Bah, on veut les escoffier aussi ? Quel tigre que c'est Élie ! J'essayais de rire, mais ce n'était pas de bon cœur, parce que ce diable de Jean vous avait une figure à la fois très inquiète et très résolue qui rengainait la gaieté. Il m'attira sans plus rien dire derrière le tiercon où je m'étais déjà caché, puis derrière la grosse tonne, dans un petit espace vide que je n'avais pas soupçonné. Là, je vis les deux haches du tonnelier, la doloire, un virebrequin de forte dimension et un compas long, brillant, pointu comme une aiguille. « Voilà nos armes, » me dit Jean d'un ton que je ne lui connaissais pas. « Elles sont bonnes. Nous sommes des enfants, c'est vrai, mais patron François et Vavelli ne tiennent pas debout. Nous n'avons à combattre en réalité que Fifi Jacquet, le neveu Amédée, l'ours et Longourdaine. Ces deux-là, dame, valent mieux que nous, mais ils ne s'attendent pas à nous trouver armés. On fera ce qu'on pourra et au petit bonheur. » Il avait, ma foi, les yeux au ciel. « Quand maman dit ça, elle pense au bon Dieu, » murmurai-je. Puis je demandai, « Mais les autres Hollandais ?»« On les a éloignés, » me répondit Jean. « Ne t'occupe pas d'eux. De ce côté-là, nous n'avons rien à espérer ni à craindre. Voyons, as-tu froid aux yeux, mon cousin Corentin ? Tâte-toi. » « J'en suis, » répondis-je en saisissant une hache, « quand il serait 12 de plus. »« Bon, » fit Jean qui prit l'autre hache, « c'est bien. » Mais pas de fanfaronnade. Les vrais braves sont modestes. Vois si je me vante. Assieds-toi là, près de moi, l'oreille au guet, prête à tout. Je vais te dire en deux temps le fin mot de la chose, et tu en sauras aussi long que moi. Mais auparavant, donne-moi ta main, car ils vont venir probablement avant que j'aie achevé. Et promets-moi de faire comme je ferai. Je te promets de faire un peu mieux, mon cousin Jean. Embrassons-nous. Nous nous donnâmes l'accolade, et je réponds que l'instant ne manquait pas de solennité. Puis Jean commença aussitôt. Il y a donc au moment de l'entrée de Mynheer Abraham avec la reine des sauvages, je n'avais pas plus que toi l'idée de ce qui se passait sur la gabarre, et pendant un petit instant, j'ai cru comme toi à une descente des Iroquois. Nous nous étions si bien montés la tête, et, en définitive, j'ai dit à ce sujet-là, dans notre trou, ici près, autant de sottises que toi. Mais le petit instant ne dura pas longtemps, parce que la semaine passée, la veille de la fête de papa Quimper, Veuve Élie m'avait envoyé lui acheter 2 sous de graisse pour la soupe, et en revenant, j'avais rencontré la grande cavalcade du cirque de Saint-Servant, avec l'ours, le singe, le coq, le polichinelle, le crocodile, la morte, Mademoiselle Sidonie tout habillée de coquillages, et que tu appelles la boulotte. Enfin, la femme colosse de la terre de feu, entourée de lauriers comme un gros jambon, et qui annonçait du haut de son trône aux passants la première représentation de Mazeppa, ou le jeune Polonais dévoré vivant par les chevaux de la Tartarie. Ce jour-là, c'était encore Langourdaine qui faisait l'ours. Le lendemain seulement, il devint Mynheer Abraham en prenant place parmi les matelots de la gabarre en qualité de quartier-maître et magasinier. La raison de ce départ est qu'il était poursuivi à Saint-Malo par la police. Il sait le Hollandais comme père et mère pour avoir fait son métier de lascar dans les ports de Belgique, et le patron, Mignras, avait grande confiance en lui. Ici, j'interrompis Jean pour lui demander. « Est-ce que c'est lui qui a fait la fin de l'infortuné Mignras ? » Je ne te dis que ce que je sais, répliqua Jean. Laisse-moi continuer. Des hommes et des femmes comme ceux qui étaient sur le chariot du cirque, on n'a pas besoin de les voir deux fois pour les reconnaître. Aussi, tantôt, dès que la reine des sauvages passe à notre porte en roulant et en valsant, je remis très bien la femme colosse et successivement tous les autres, y compris l'ours, dont je ne reconnus pourtant que la peau. Ça fut comme si un coup de vent avait balayé en grand toutes les illusions et faiblesses de mon cerveau. Je me dis, attention, l'Amérique est dans le sac. Voilà tout le régiment de Mazeppa et nous sommes de retour dans la mère patrie. C'était le moment du sauve-qui-peut, pas vrai? Je ne m'occupais pas plus de toi que tu ne pensais à moi. Chacun pour son compte. Pendant que tu te coulais dans ton coin, qui n'était pas trop mal choisi, je me faisais mince comme une lame de couteau et je glissais entre deux tonnes, si bien qu'en entrant, les gens de la gabarre et leurs invités n'ont vu personne. « Mais pourquoi les Hollandais ont-ils été chercher tous ces camarades-là » demandai-je. « Tu ferais mieux de m'écouter, » répliqua Jean. « Cependant, je veux bien répondre à part à cette question-là, parce que ça t'aidera à comprendre le reste. Il y a ici, d'un côté, l'ancienne mauvaise connaissance de ton papa, Langourdaine, qui a son idée à lui tout seul. De l'autre, l'équipage hollandais qui n'est plus commandé, qui vient de manger de la vache enragée et qui veut faire la noce. C'est là son ambition. Il n'en a pas d'autre pour le moment. Langourdaine, au contraire, ou Mynheer Abraham, comme tu voudras l'appeler, roule dans sa tête les plus coupables projets. Tu sais que l'équipage est divisé entre lui et Mynheer Klotz, mais le gredin n'a pas été si bête que de mettre sa bordée dans sa confidence. Outre qu'il aurait eu peur de rencontrer la plus d'honnêteté qu'il n'en fallait, il ne veut partager avec personne. Il a donc cherché un complice au dehors, il l'a trouvé, et pour avoir ses coudées franches à la manœuvre, il a persuadé à l'équipage de monter une bamboche monstre avec musique, danse et tremblement, qui commencera ici, à bord, pour se continuer dans les cabarets à travers la fête. Pour que la parade soit au complet, Langourdaine a proposé d'aller chercher des dames au cirque de Saint-Servan. C'est lourd, le Hollandais, mais à l'intérieur de sa carapace, ça aime la gaieté. La proposition de Mynheer Abraham Langourdaine a été accueillie et il a été convenu qu'on louerait toute la troupe du cirque pour orner le festin de Sardanapale qui doit entamer la réjouissance et la promenade à travers les guinguettes qui doit en être le couronnement. C'est commencer de rire au moment où je te parle. Ceci se passait ce matin. Langourdaine, avec son idée du cirque, faisait d'une pierre deux coups. Il se procurait le compère dont il avait besoin et il se ménageait le moyen d'éloigner l'équipage au bon moment. Tu vas voir que tout se tient. Pour parler d'abord du compère, c'est un repris de justice comme lui et qui l'a remplacé dans la peau de l'ours. En allant au cirque, Langourdaine était tout porté pour trouver ce coquin-là. Et tu penses bien qu'ils n'ont pas eu de peine à s'arranger tous les deux. Je dis tous les deux, car les écuyères et saltimbanques ne sont pas plus dans le secret de la vraie manigance que les Hollandais eux-mêmes. Ceci étant bien pesé, j'arrive au cœur de la manigance et à l'adresse que j'ai eue de la découvrir. Dans le coin où je m'étais blotti, j'écarquillais mes yeux à regarder cette invasion des sauvages et tout en regardant, j'avais percé un petit trou à la tonne, ma voisine, non pas pour boire, je savais trop le besoin que j'allais avoir de tout mon sang-froid, mais pour me débarbouiller la figure et nettoyer un peu mes cheveux. Tu sauras que le genièvre, ça décrasse très bien. « Perce-moi un trou, » m'écriai-je, « je veux faire ma toilette. »« J'ai perdu mon forêt, » me répondit Jean sèchement. Je reconnus bien là sa jalousie et je lui en fis amèrement l'observation. Il haussa les épaules et poursuivit. « Si c'est notre dernière heure, tu seras toujours assez propre pour être assommé. Écoute plutôt le rapport que j'ai la complaisance de te faire. Pendant que je me décrassais, j'avais l'œil au guet et l'oreille aussi. Juste devant moi, entre deux tonnes, je voyais Mynheer Klotz qui causait avec la reine. Tout à coup, je reçus un grand coup de pied sur la tête et une voix dit au-dessus de moi « J'ai marché sur un melon ». C'était le singe qui faisait ses cabrioles au-dessus des tonnes. Je m'affalai bien vite entre deux autres futailles, et cela me mit tout contre la cloison, à 3 ou 4 pas de l'entrée. Là, Mynheer Abraham, c'est-à-dire ce gredin de Langourdaine, et l'ours, son compère, étaient blottis comme moi, mais plus à leur aise, parce qu'ils occupaient le chemin qui fait le tour des tonnes. Ils tenaient ensemble un conciliabule du plus haut intérêt, tu vas voir. Toi, tu aurais peut-être été bien du temps à comprendre, mais moi, je saisis du premier coup comme à l'ordinaire, et au bout d'une demi-minute, je savais que l'ours n'était autre que Nicolas. Ici, Jean s'arrêta brusquement pour prêter l'oreille. « Nicolas de chez les Élis ? » m'écriai-je. « Le galérien ?»« Ne m'empêche pas d'entendre quand j'écoute, » ordonna Jean. « Je veille au grain pour deux. »« Qu'est-ce que tu écoutes ?»« Pas grand-chose pour le moment. Ils font la noce en haut, c'est clair, et nous avons peut-être encore une demi-heure de répit. Tu as bien deviné cette fois. » L'ours est Nicolas de chez les Élis, à qui la veuve prit les 47 francs qu'il avait ramassés dans un pied de bât pour ne pas le dénoncer quand on s'aperçut qu'il avait été à la chaîne. « Ah ! » m'écriai-je. « Nous sommes dans de mauvais draps pour sûr. Langourdaine et Nicolas, voilà une paire de vrais scélérats qui tuent. Ils vont nous saigner comme des agneaux. »« Si on se laisse faire, » riposta Jean qui faisait vraiment assez bonne contenance. « Je ne demanderai qu'une chose, c'est d'avoir à la place de toi un autre Jean Piteux. Alors, Langourdaine et Nicolas, et le diable, s'il était là, en verrait de belles. » Je sautais sur mes pieds tant j'étais indigné. « Prenons chacun une hache, » m'écriai-je, « et tapons-nous, toi et moi, jusqu'à la mort, pour voir lequel mettra les pouces le premier. » J'avais déjà saisi un des merlins du charpentier. Jean croisa ses bras sur sa chétive poitrine, et me dit avec un accent de reproche que je trouvais majestueux, « Comme c'est bien, ça! Juste au moment où je te sauve peut-être la vie par mes informations, l'idée te monte de me détruire. Lâche ton outil. Moi, je ne prendrai le mien que quand il s'agira de menuiser Nicolas et Langourdaine pour ton salut comme pour ma délivrance. » Je laissai aller la hache. Jean Piteux avait décidément la tête au-dessus de moi. Il reprit avec un calme qui redoubla ma honte. Dès les premiers mots, je compris que Langourdaine et son ours n'en étaient pas à leur première entrevue. Langourdaine avait évidemment confié à Nicolas une mission dans la matinée, et Nicolas rendait compte de sa négociation. Langourdaine disait « J'en ai assez de mon rôle de Mynheer Abraham. J'aime mieux la misère avec les calfats du joli port de Saint-Louis que l'abondance au milieu de ces cachalots de Hollande, qui n'ont ni esprit, ni éducation, ni bonne manière, ni rien. As-tu trouvé les rats dans leur cave ?»« Les rats, c'était Élie, et la cave, leur boutique. Ah, que je voudrais bien y être encore !» L'ours répondit. Les Élie étaient là au grand complet, et ils se disputaient jusqu'au sang, parce qu'ils ont perdu pas mal dans leurs affaires de grippe-sous depuis quelque temps. Veuve Élie m'a reconnu tout de suite, au premier mot que j'ai soufflé. Elle m'a prise au collet et m'a demandé 47 autres francs pour ne pas me dénoncer à la police. J'ai monté tout de suite sur mes grands chevaux et j'ai réparti. Je ne viens pas ici pour des petitesses. On commence à causer de vous dans Saint-Malo. Est-ce que vous n'auriez pas l'idée de faire un petit voyage pour votre agrément ? Voilà la chose. Je vous apporte non pas les 47 francs, mais 47 000 francs, et le double et le triple. La vieille a levé sa béquille sur moi, parce qu'elle croyait que je me moquais. Mais Élie, neveu, qui a l'air d'être le maître à présent, m'a offert une chaise et la goutte. Alors, j'ai expliqué l'opération. Mais Élie fils est idiot, un peu plus qu'autrefois. Il a compris tout de même. Élie père est paralysé, mais il a compris. Ils ont tous compris. 8 jours après leur mort, ils seront encore capables de comprendre s'il s'agit de gagner de l'argent. Ils m'ont proposé 1 000 francs du tout. Pour la seconde fois, Jean s'interrompit pour écouter. On n'entendait aucun bruit nouveau, et ce grand murmure que nous savions maintenant être la voix de la foule, assemblée pour la fête du 1er mai, semblait s'éteindre de plus en plus. Jean me dit « Le dehors nous importe peu. Ce que je guette, c'est le premier bruit qui viendra du côté de la chambre d'Isidore, car c'est là qu'ils nous chercheront. Si nous laissions couler 1 tonne pour la vider et nous cacher dedans, insinuai-je. J'y ai songé, reprit Jean. Mais après, et puis, j'ai idée de gagner la prime. Je ne connais pas bien ces affaires-là, mais le gouvernement nous donnera toujours, au moins, 100 écus pour avoir dénoncé les brigands et forbans. Mettons que les armateurs en crachent autant, ça ferait 600 francs que nous empocherions. Il faudrait d'abord nous sauver pour toucher ta prime, m'écriai-je. C'est juste, me répondit-il. Mais la hache sera moins lourde à manier si chaque coup vaut une douzaine de pièces de 5 francs. Il reprit en se frottant les mains à cette idée qui vraiment lui rafraîchissait le cœur. L'ours continuait donc l'histoire de son ambassade. Les Élis avaient été 2 heures d'horloge pour arriver, de leur première offre de 1 000 francs, aux 10 000 qu'ils ne devaient pas dépasser. Quant aux voies et aux moyens, voici ce qui avait été convenu. La grande bamboche dont Langourdaine avait eu l'idée commencerait, à la tombée de la nuit, par une noce aux genièvres, et c'est pour ça que nous avons vu emplir les cruches. Les gens du cirque, hommes et femmes, seraient complices sans le savoir, ne demandant jamais mieux qu'à marcher sur la tête, manger, boire et faire toutes sortes de folies. Les Hollandais sont lourds à mettre en branle, mais une fois lancés, c'est pire que des bas bretons. Voilà donc le programme. Divertissement général à bord, noces et festins, la carmagnole et la danse des taupes, les coups de poing dans l'œil, soupe à l'oignon, vaisselle cassée, tous les agréments des dieux de la fable, en veux-tu en voilà, jusqu'à en étouffer à 3 pieds au-dessus du nœud de la gorge. Après quoi, on proposerait à la Hollande d'aller voir le feu d'artifice en palanquin dans le char des écuyers du cirque. Pavoisé de drapeaux et de feuillages, avec les écuyères en grand costume, environnées de verres de couleur, jusqu'au bout du nez. « Ça sera tout de même drôle, » fis-je malgré moi. « Tu n'es qu'une bête, » me dit Jean avec sévérité. « À l'heure où ces méprisables saturnales auront lieu sur le pavé de Saint-Malo, ta ville natale, tu auras peut-être la gorge ouverte et des flots de sang baigneront ton cadavre mutilé. Il n'y a pas de quoi rire. » C'était terriblement vrai. Mais cette vision de Mynheer Klotz, enguirlandée de lampion, avait chassé mes idées noires et je répondis. « À la guerre comme à la guerre, tu ne serais pas si bavard dans le cas où tu te croirais à l'article de l'agonie. Je suis bien sûr que tu as quelques tours dans ton sac. »« C'est ça !» s'écria Jean. « Tu t'habitues à être sauvé par moi et tu ne m'en as pas plus de reconnaissance. » Je vis bien qu'il fallait le flatter un peu et je répondis. Au contraire, ce que j'en dis est pour te remercier. Depuis 5 jours, tu m'as prouvé que tu étais un garçon de ressources. Tu n'as pas souvent de ces bons moments-là, Corentin. Va jusqu'au bout pendant que tu y es. Et avoue une bonne fois que j'ai plus d'esprit dans mon petit doigt que toi dans ton grand corps dont tu es si fier. Caresser un vilain, voilà quel sera votre bénéfice. La conscience que j'avais au fond de tout d'être en bois d'acajou des îles par ma naissance, sans parler de mes autres avantages, tandis que lui, piteux, n'était que du sapin à 4 sous la planche, me fit garder mon sang-froid. Je lui répondis sans me fâcher. Ce n'est pas dans mon caractère de m'humilier devant personne. On verra plus tard qui de moi ou de toi sera assez riche pour dîner 2 fois. Tu as eu de la chance d'entendre des choses que je ne sais pas. Dis-les-moi tranquillement, non pas dans mon intérêt mais dans le tien, car s'il faut jouer de la hache tout à l'heure contre nos ennemis, tu sais bien que chacun de mes bras vaut 12 de pattes d'araignée comme les tiennes. Je ne veux pas te rabaisser, moi, ni te reprocher le pain que tu as mangé chez nous. On te le devait comme cousin et va-nu-pied. Mais gardons notre rang, si tu veux, chacun le sien, et dis-moi comment finit l'histoire. L'histoire finit là, me répondit-il sèchement. Mais tout Quimper et tout Corentin que tu es, je te préviens que tu mangeras de mon pain plus que je n'ai mangé du tien. Tu as raison. Ne nous disputons pas et passons à une autre paire de manches. Langourdaine et Nicolas s'éloignèrent pour rejoindre les autres, après avoir échangé encore, toutefois, quelques paroles qui me firent comprendre qu'on profiterait de la grande promenade en char et de l'absence de l'équipage pour déménager la cargaison, après avoir fait un sort à toi et à moi. « Ils n'auront jamais le temps de décharger, » m'écriai-je. « Voilà une chose qui les regarde, » répliqua Jean. « Tu peux être bien tranquille. Du moment que les Élis sont là-dedans, on ne perdra ni un quart de riz, ni une chopine de genièvre. Ah, saperlotte, j'ai beau faire, je voudrais bien être plus vieux d'une demi-heure. » Il reprit avec un gros soupir, en essuyant la sueur de son front. « Malgré ta jalousie, tu vas bien être forcé d'avouer tout à l'heure que j'ai bien manœuvré avec mademoiselle Sidonie. Mais comment veux-tu que maman Quimper et même Fanchette croient à mon message ?»« Quel message ? » demandai-je. Au lieu de répondre, il continua plaintivement. « Fanchette croit savoir que nous avons embarqué à bord de la Marie-Pauline avec Monsieur Toussaint Morin. »« Eh bien, » m'écriai-je, « la Marie-Pauline, mademoiselle Sidonie, Fanchette, un message, veux-tu t'expliquer, oui ou non ?» Il prit un air encore plus lugubre et gronda entre ses dents. « Tout à l'heure, j'avais peur de voir arriver les Hélies. Maintenant, je trouve qu'ils tardent bien à venir. Nous croyons être à Saint-Malo, c'est très bien, et je donnerai ma parole sacrée que j'ai entendu crier « Vive Louis-Philippe !» Mais n'étions-nous pas plongés dans d'autres illusions ? En moins d'une semaine, nous avons passé à travers tous les dangers et toutes les misères qui mettent du plomb dans la tête d'un jeune homme. Tu n'en as pas profité, toi, parce que tu ne profiteras jamais de rien. Mais moi, j'ai de la barbe en dedans, et ça m'étonne moi-même de voir tout ce qui me passe par la tête. « Alors, dis-je, assailli soudain par une fourmilière de doutes, tu n'es plus sûr de rien du tout ? Nous sommes peut-être déjà repartis de Saint-Malo ? Nous n'y avons peut-être jamais été ? Et qui sait si tout ce que nous venons de voir n'est pas encore le délire de la fièvre chaude ? Moi, d'abord, je n'en peux plus, j'ai ma tête qui est comme pour se fendre. » Je laissais tomber entre mes deux mains mon front qui brûlait. Dans le grand bourdonnement qui m'entoura aussitôt, j'entendis le rire aigre de ce misérable Jean. Il jouait avec moi comme le chat tourmente une souris, non point du tout par mauvais cœur, mais pour établir à chaud et à sable le fait de sa prétendue supériorité. Je ne me sentais même plus la force de le battre. « Voilà pourtant ce que valent les enfants qu'on gâte dans les familles, » me dit-il. « Si maman Quimper avait eu le sens commun, elle aurait daubé sur toi au lieu de te faire des compliments. Je ne dis pas que tu serais de ma force, mais tu verrais à te conduire. Raisonnons froidement. Nous ne sommes pas bien loin de notre salut. À 20 pas de nous, il y a des Malouins et des Malouines qui font la fête. Des matelots, des douaniers, des commissaires. Mais entre tout ça et nous, c'est la gabarre. Et que contient la gabarre ? Des personnes dans le commerce que nous gênons pour faire une affaire. J'aimerais mieux des cannibales, mais nous n'avons pas à choisir. Pourquoi les Hélies ne nous sont pas encore tombées sur le corps avec Langourdaine et Nicolas ? Je n'en sais rien, mais il faut qu'il y ait quelque chose. D'un autre côté, maman Quimper et Fanchette auraient dû recevoir déjà de nos nouvelles par mademoiselle Sidonie. Là encore, il y a quelque chose, car voilà plus d'une heure que mademoiselle Sidonie est partie. Et il ne faut pas tout ce temps-là pour aller et revenir de la jeune Émilie. « Écoute !» m'écriai-je en sautant sur mes pieds. « Il y a ici du monde de chez nous !» Dans le silence qui régnait maintenant au-dedans de la gabarre et au-dehors, je venais d'entendre une voix bien connue, la basse taille de papa Quimper, et ma première idée était de me lancer à sa rencontre, au risque de tout ce qui pouvait arriver. Mais Jean me retint par les deux jambes en disant « C'est peut-être le mirage des chimères qui nous poursuivent. Et, d'ailleurs, Langourdaine est avec lui. Méfiance, tu sais bien que papa ne vaut pas une chiquenaude. Il ne pourrait pas nous défendre, et on le massacrerait avec nous. » La voix de papa se faisait entendre de l'autre côté de la porte qui avait servi pour l'entrée et la sortie des sauvages. Quoi qu'il y eût, entre lui et nous, une épaisse cloison, nous pouvions distinguer chaque syllabe prononcée par lui, tant sa petite personne était sonore. À l'écouter ainsi de loin, on eût dit un homme de 6 pieds parlant dans un porte-voix. Je ne peux pas cacher que j'avais le cœur tout remué d'espoir et de tendresse pendant que ce bel organe tonnait à mes oreilles. « Je veux bien attendre, » répondis-je avec toute ma vaillance revenue. « Mais tu sauras que c'est fini de rire avec les attrapes. Quand on entend papa, maman n'est pas loin. » Nous allons coucher ce soir à bord de la jeune Émilie. Je t'en signe mon billet. Que Dieu te fasse dire vrai pour une fois, soupira Jean qui joignit les mains avec ferveur. Moi, j'ai idée que nous aurons du mal à faire la route d'ici jusque chez nous. J'ai passé la visite de la coque de bout en bout, disait en ce moment papa Quimper. « C'est solide. Vous pouvez aller avec ça sans calfatage à Jersey, en Hollande et à Pékin. Pour la mature, j'ai les deux brins de sapin du Nord tout prêts et des braves garçons tant qu'on veut à 3 livres 10 sous, plus les 4 chopines. Vos deux mâts peuvent être plantés demain soir, si on y met du monde assez. Et je ne suis pas payé par le gouvernement pour vous demander vos papiers de bord, vieux Langourdaine. On en sera quitte pour ne pas souffler mot de la chose à Madame Quimper, qui m'a défendu de me fréquenter avec vous. C'est pas l'embarras. Elle en rêve de l'idée de vous tripoter de fond en comble. Tabac, avancement, justice de paix, tout ça ensemble dans le même bidon, avec trépignage général par-dessus, un œuf poché à chaque œil et les deux bras en bretelles, si jamais elle a le moindre vent que nous avons fait des affaires, nous deux. À ta santé, matelot. Papa dut boire une bonne tasse, après ce discours, car on entendit claquer sa langue. « Comment trouves-tu ce velours-là, petit vieux ?» demanda Mignard Abraham. « C'est du délice !» répondit papa chaleureusement. « Penses-tu, continua Langourdaine, que Madame Quimper serait sensible à l'hommage qu'on lui en ferait avec estime de 50 cruchons cachetés du même ?» Papa ne répondit pas tout de suite. « C'est sûr, dit-il enfin, qu'elle te regardera comme la racaille des racailles, et pour un franc, je n'oserais pas prononcer la moitié de ton nom devant elle. Mais 50 cruchons, dame, écoutez donc, elle est dans le commerce. » « À la bonne heure !» dit derrière moi Jean Piteux. « Tu vois bien ?»« Je lève la main, » m'écriai-je, « que maman ne prendrait pas la boisson de ce coquin-là quand même il la lui porterait dans des bouteilles d'or massif. »« Savoir, savoir !» fit Jean tout doucement. « Ta maman n'est pas si bête que ça. A-t-elle besoin de lui demander à quel tonneau il a tiré la marchandise ?» De l'autre côté de la cloison, Langourdaine avait prononcé quelques mots à voix basse. Il reprit en ce moment tout haut. « Alors, tu comprends, petit vieux, ce n'est pas demain qu'on travaillera, c'est cette nuit, pour ne pas souffrir de la chaleur. »« Oh, oh !» fit papa qui perdit toute sa gaieté. « Si c'est des cachotteries de nuit, je n'en suis plus. Je suis un honnête homme. » »« Bois un coup, matelot. » »« Plus une goutte. » Il s'en allait. Langourdaine le rappela, disant « Voyons, voyons, c'est des affaires entre armateurs et millionnaires. Pas de danger, Madame Quimper n'en saura rien. Elle sait toujours tout. » « Je ne l'ai pourtant pas rêvé, » reprit Langourdaine. « Tu m'as dit en arrivant que tu n'avais rien à craindre d'elle ce soir, rapport à un malheur d'événement qui est tombé aujourd'hui sur votre maisonnée. » « Oui, bien, je l'ai dit, » répliqua le petit homme dont la basse taille chevrota comme pour pleurer un vrai malheur. « C'est certain. » Au lieu d'aller à la fête, ils sont tous là chez nous, les filles et les gars avec la femme et l'abbé, qui dit tout son latin de prière. Ah, misère, misère, c'est pour oublier ça que je voulais me mettre un petit peu en train de boire. Avais-tu oui mention que mon 5e garçon, un Corentin coiffé pour le commerce, s'était réchappé de chez les Élie avec son cousin Jean Piteux pour aller à Terre-Neuve ? On juge si nous étions tout oreilles, Jean et moi. Je ne sais pas ce que Langourdaine répondit. Mais papa continua avec des sanglots pleins le gosier. Il y avait donc notre fils, l'abbé, avait été d'école avec Toussaint Morin de la Marie-Pauline, et les enfants sont montés à bord d'elle par lui, et on a appris aujourd'hui que la Marie-Pauline avait fait naufrage entre les Sorlingues et la Cornouaille d'Angleterre dans le dernier gros temps. Tout perdu, corps et biens. Ma première pensée fut à la joie. Quelle chance ! M'écriai-je. Si nous ne nous étions pas trompés de bateau, nous serions au fond de la mer avec les poissons. Nous n'en valons guère mieux, répartit Jean qui avait sa plus piteuse figure. Sais-tu à quoi pense ce scélérat de Langourdaine en ce moment ? Tiens, dis-je au lieu de répondre, les voilà qui s'éloignent, on ne les entend presque plus. Jean se donna un grand coup de poing dans la poitrine et tomba sur ses deux genoux. C'est le dernier espoir qui s'en va, s'écria-t-il. Ne l'as-tu pas entendu ? Nous sommes au fond de la mer, entre les Sorlingues et la Cornouaille d'Angleterre, avec la Marie-Pauline perdue corps et biens. Qui veux-tu qui vienne à notre secours, puisqu'on nous croit noyés ? Je les vois d'ici, maman Quimper, l'abbé, Fanchette et tous ceux de la famille agenouillés autour de nos anciens lits, à pleurer, à lamenter, à réciter des De Profundis. Nous sommes défunts, on peut nous étouffer, nous étrangler, nous noyer, nous poignarder, nous hacher menus comme chair à pâté, sans risque de la guillotine. Qu'est-ce qui peut empêcher les Élis de faire leur commerce? Nous avons tort, nous sommes morts, et ils ont raison, ils sont vivants. C'est bien fait, tout ça vient de toi. Je ne voulais pas aller en Amérique, moi. Tu nous as menés à notre malheur. Tant mieux, je m'en moque. Il était sujet à des fringales, c'est sûr. Mais jamais je ne l'avais vu dans un état pareil. Les yeux lui sortaient, il écumait. Il s'établit à cogner sa tête contre la tonne comme un bâton de cloche. Puis tout à coup, il se jeta sur moi en grinçant des dents avec des râlements d'animal enragé. « Tu me fais pitié, mon cousin Jean, » lui dis-je en le repoussant avec douceur. « Peut-être es-tu dans le vrai, je penche à croire comme toi que nous sommes perdus, mais je désire au moins que tu vois quelle différence il y a entre ton agonie et la mienne. Regarde s'il y a quelque chose de changé dans les muscles de mon visage. » « Ils sont toujours les mêmes, les muscles de ton visage !» me répondit-il en se calmant tout à coup. « Et tu auras l'air d'un imbécile à l'article de ta mort, comme pendant ta vie !»« Il est au-dessus de ton pouvoir de me blesser, » dis-je. En cet instant solennel, j'en ai fini avec les misérables petites piqûres de l'amour-propre, et si j'ai du plaisir à contempler le calme de mes dernières pensées, c'est qu'elles évoquent les êtres qui me sont chers. Tu viens de me le dire, ma chère mère, mon frère Guénolé et Fanchette entourent en ce moment non pas nos lits, comme ton orgueil te le fait croire, mais mon lit à moi, où je dormais tout petit enfant, idole de la famille entière. Et que de larmes, je les entends, je les vois. Maman accuse Guénolé et Fanchette s'arrache les cheveux. Ah, wish ! S'écria Jean. Ta mère en aurait donné un demi-cent comme toi pour son petit Guerne. Quant à Guénolé, je ne dis pas. Le pauvre brave garçon doit être pas mal penaud, car c'est sa faute. Mais pour Fanchette, c'est une futée petite lame. Tout n'est pas fini. Bien sûr que Fanchette se sera dit « Je ne crois pas au naufrage de mon cousin Jean. Jamais il n'aura été assez bête pour se laisser aller au fond de l'eau comme un chien de plomb. C'est bon pour un qui est né coiffé comme Corentin et venu au monde empaillé dans ses horoscopes. Mais mon petit Jean est pointu comme une aiguille, et il aura toujours bien trouvé un pertuis par où passer. Et là, houp ! Il exécuta une cabriole et me fit un pied de nez. « Te voilà redevenu fou allié, malheureux Jean, » lui dis-je. « Comme le premier jour de la tempête. »« Tu vas voir, » s'écria-t-il, « j'ai mon idée. » Le hublot, je vais démolir le hublot, gagner le pont, passer à travers les hélices comme un tonnerre de Brest. Je me jetterai tête première dans l'eau en ayant soin d'emporter une planche pour ne pas couler. Et à moi, les amis, à la garde, aux voleurs, au feu, allez! En trois sauts, me voilà au tribunal de première instance. Ah, c'est là que j'en dégoise. Tu cherches encore ta première bredouille que j'ai déjà mis les juges au fait de tout. On empoigne Langourdaine et Nicolas et les Élis. On me donne la prime et la médaille. Ah, mais, et rien pour toi !» Il parlait avec une extraordinaire volubilité. Tout son sang était à sa figure. Je crois bien qu'il était ivre de peur. C'était un drôle de petit corps. Il avait l'esprit le plus terre-à-terre que j'ai connu en ma vie et l'imagination la plus pauvre. Ne voyant rien qu'en mettant le nez dessus comme les mouches, mais il était capable avec cela de se monter la tête pour un oui, pour un non, jusqu'à bouillonner, mousser et sauter mieux que du cidre en bouteille. Il mettait le feu à son baril de poudre d'un sou comme Jean Barthe, ou bien il cassait tout autour de sa conscience, ne reculant devant aucun péché, si gros qu'il fût, mais toujours en rêve, et restant au fond. Un garçon assez honnête, pas trop maladroit, pas trop poltron, quand il fallait absolument payer de sa personne. En somme, aussi inférieur à moi que la plante des pieds d'un homme de moyenne taille est éloignée de ses cheveux. Que Dieu soit loué, entre nous deux, le partage n'était pas difficile à établir. J'avais tout, il n'avait rien. Il m'étonnait quelquefois, car il était aussi original dans sa maigre nature que moi dans les développements de mon grand caractère. Mais j'avais, d'instinct, le talent de me jouer de lui à son insu, et tout en paraissant parfois lui céder, j'étais toujours le maître. Plus tard, dans notre vie, j'ai bien usé de Jean Piteux autant que de moi-même, sinon un peu plus, mais cela ne m'empêche pas de l'aimer en bon cousin et de le regarder comme mon obligé, car sans moi, quelle figure aurait-il fait dans le monde? Ce que je n'ai jamais pu savoir au juste, c'est dans quelle proportion la comédie et la maladie se mêlaient en lui à ses heures de crise. Il y avait de l'un et de l'autre, voilà ce qui est certain, et il est aussi sûr qu'il restait froid en dessous, coupant ses accès au beau milieu quand il en avait assez. « Je jette ma langue au chien, tu sais ?» me dit-il tout à coup, accroupi à mes pieds, les coudes sur ses genoux et rongeant ses ongles comme un singe. « Pourquoi les Élis ne commencent-ils pas à déménager le navire ? La fête du roi est-elle finie ? Sommes-nous au milieu de la nuit ou même à demain matin ? Mais alors, mademoiselle Sidonie aurait eu 10 fois le temps de faire ma commission ?»« Avec ça que mademoiselle Sidonie s'occupe de nous, » répliquai-je. Il me regarda en dessous. « Je sais bien de quoi vous êtes né coiffé, monsieur Corentin Quimper, » reprit-il. « C'est du bonnet d'âne. Moi, je connais le monde et la manière de s'en servir. Regarde si nos deux sœurs de lait m'ont jamais humilié par des mots méprisants comme elles t'ont traité de moulin à café. Pas de danger. Et veuve Élie, veux-tu me dire à qui elle donnait du vin d'Espagne ?»« Du vin d'Espagne ?»« Un peu. Et des confitures d'abricots. Pourquoi ?»« Parce que j'ai le fil et toi pas. Arrivons à mademoiselle Sidonie. » Voici la chose en bref. Je t'ai déjà raconté la conversation si importante de Langourdaine et de Nicolas, surprise par moi. Au moment où ils quittaient leur cachette pour se réunir au gros de la bande, tous les saltimbanques s'en donnaient pour égayer la Hollande. Mademoiselle Sidonie, entre autres, gesticulait et pérorait, montée sur les tonnes. L'idée de la faire servir à notre salut me vint juste comme elle passait au-dessus de moi, avec ses coquillages qui lui claquetaient tout autour du corps. Je la saisis hardiment par son casaquin et je lui dis à l'oreille « Pas un mot, pas un souffle, votre fortune en dépend, outre l'agrément de rendre service au fils unique d'un armateur. » « Comment, coquin ? » m'écriai-je, sensiblement radouci. « Tu as eu le front de me faire passer pour le fils d'un armateur ? » ?»« Qui parle de toi ? » répliqua-t-il. Que chacun de nous reste à sa place. Toi, tu es le fils d'un calfat et d'une marchande de marrons. » Je fus atterré, non pas par la profonde perversité de cette réponse, mais par l'idée qu'entre nous deux, c'était lui qui jouait le rôle du fils de l'armateur. Il continua. Mon idée était d'avertir maman Quimper de ta présence à bord de la gabarre, car tu reprends de l'importance dès qu'il s'agit de maman, je ne dis pas le contraire. L'occasion de mademoiselle Sidonie était unique, il ne fallait pas la manquer. J'ai donc dit que j'étais ici avec un de mes domestiques. « Attends avant de te monter, c'était pour ton bien. Comment aurais-tu voulu qu'un héritier du beau commerce envoyât demander secours au cabaret et chez toi, ce n'est qu'un cabaret. J'ai donc dit que les pirates de Hollande, dans de mauvaises intentions, me tenaient prisonnier à fond de cale avec toi. « Alors c'est moi ton domestique ?» balbutiai-je en proie à une colère sans nom. Il s'éloigna un peu et me regarda d'un air moitié narquois, moitié effrayé. « C'est sûr que je ne te prendrais pas pour me servir si j'avais le choix, » me dit-il. « Mais tu vas me remercier tout à l'heure. » Mademoiselle Sidonie, voyant qu'elle avait affaire à quelqu'un de huppé, m'a répondu. « Jeune homme, ce n'est pas l'intérêt pécuniaire qui me guide, mais la distinction de votre physionomie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous être agréable ?» Alors je lui ai commandé de se mettre à la voile et de galoper jusqu'à l'auberge des Quimper. Et d'avertir maman, ça, ce n'est pas mal. Ah oui, te voilà bien, toi. Et quand ta maman l'aurait vue avec ses panaches et ses coquillages, elle aurait joué du manche à balai au lieu de l'écouter. Heureusement, moi je pense à tout, et ça ne m'en a pas coûté un liard de plus de fabriquer une autre histoire. J'ai dit que mon pâteau de domestique était le fiancé d'une petite ouvrière nommée Fanchette, qui demeure chez les Quimper et qu'il fallait s'adresser à elle. Mademoiselle Sidonie la connaît bien pour lui avoir acheté le chapeau qu'elle met quand elle ôte ses coquillages pour faire la dame. Elle a donc consenti à courir vers Fanchette pour lui dire que nous sommes en danger de perdre la vie et qu'elle mette sur pied maman, tes frères, tes sœurs, les ouvriers du port, la troupe, la marine. Et cette Sidonie a promis... « Pour m'être agréable, oui, et que mes riches parents d'armateurs lui feront une pension viagère jusqu'à l'article de sa mort. » Le moyen trouvé par Jean était humiliant pour moi, mais assez bien imaginé. Notre péril était en effet surtout dans notre séquestration absolue. Ce moyen nous prêtait une voix pour crier à ceux qui nous croyaient morts « Nous sommes vivants !» Mettant donc de côté ma bonne envie de payer ma dette au cousin, j'en étais à faire un petit paquet de ma rancune pour la lui servir plus tard quand notre situation malheureuse fut modifiée tout à coup d'une façon assez extraordinaire pour qu'il ne me paraisse pas convenable d'entamer, à la fin d'un chapitre, le récit d'une si importante aventure. Je prie donc le lecteur de tourner la page s'il veut connaître le dénouement à la fois dramatique et inattendu d'une histoire dont le moindre mérite a été, d'un bout à l'autre, le respect de la vérité.